tous une chanson dans le cœur, une mélodie en accord majeur, un rythme qui sonne, des mots qui résonnent, un refrain que l'on fredonne. C'est la musique qui nous rassemble, qui nous fait chanter, danser ensemble. Un air de guitare, un piano dans un bar, un musicien qui joue dans le noir. Chantez pour tous ceux qui s'aiment, chantez pour les cœurs qui saignent, chantez les joies et les peines, chantez à en perdre haleine. Dansez avec ceux qu'on aime, dansez pour les soirs de fête, dansez à chaque seconde, dansez jusqu'au bout du monde. On a tous une chanson dans le cœur, un air qui nous... Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Guémozo 107 FM. Bienvenue si vous nous rejoignez, ainsi que sur le web www.radioguémozo.eu. Plus de 600 personnes ont vu la publication de cette semaine, donc merci à tous les amis qui ont réagi. Bonjour le Québec, il est 10h, alors des bisous à ma petite équipe. Fait pas chaud non plus là-bas. Bonjour Lia. Bonjour Gilou. Comment vas-tu? Mais ça va très bien, merci. Eh ben, et toi? C'est bien, c'est formidable, ça va, ça va. On est au chaud? Bah, avec toi toujours. Oui, merci. Puis moi, je retrouve toujours mon rayon de soleil. Ah, oh, c'est gentil. Ah, bah si, c'est sincère. Et puis, je vois qu'il y a une belle déco là dans le studio. Ah, oui. Ouais, c'est chouette. Hein. On remercie petit, Marion pour toutes ces décorations. Là, c'est Marion aussi. Ouais. Et puis, moi, j'ai une petite boule après mon micro. Là. Bah, voilà. C'est bien. Ça. On s'est dit que ça serait sympa. Ça, c'est sympa. Puis, c'est la période. Hein. C'est, bah, la c'est période, ça. Hein. C'est ça. Vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne en musique jusqu'à 17h en direct. Alors cette semaine, chanson country, On the Road Again. Oh yeah. C'est tout un programme. Alors je vais faire un petit coucou à Manon Grenier, Sylvie et Yvon Godette, Marcel Alexis, Caroline Jonf. Donc c'est toutes des artistes québécoises que nous allons entendre. Et Caroline, je l'avais reçue en live dans les studios l'année dernière. Alors bon, bah, si vous êtes à l'écoute, moi je vous fais de gros becs. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur nos pages respectives, Facebook, Radio Guémozo et Gilles Mougel officiel. Et bien sûr, je vous attends au 03 29 62 40 40. Faites-nous un petit coucou. Voilà. Alors on va commencer avec un artiste, Willie Nelson, qui nous chante justement voilà, ce titre éponyme, On the Road Again. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Thank you. On the road again, yeah. Yeah. Si je traduis, si je me plante pas, c'est sur la route une fois de plus, je pense. Hein. Ça doit dire voilà. Ça, on the road again. Alors Willie Nelson, un grand chanteur de musique country, qui a fait aussi des beaux duos avec Julio Iglesias. Ah oui. Ouais. Mais il est déjà d'un certain âge, hein. Je ne sais plus trop. Alors nous allons écouter maintenant Isabelle Boulet, une belle artiste. Là, on est vraiment sur la route, hein, tu vas voir, en suivant les titres. Ça réchauffe on est vraiment le cœur, sur, ça la, aussi. Sur la route, hein. Oui. Oui, ça réchauffe bien aussi, voilà. Alors, on écoute « Mille après mille ». Ma vie est un long chemin sans fin. Je ne sais plus très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Je cherche sans jamais rien trouver. Je vois ton visage qui me hante. Me demande pourquoi je t'ai quitté. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Savoir comme je peux t'aimer. Un jour, quand mes voyages auront pris fin, écho. Au fond de moi, j'aurais trouvé cette paix dont je ressentais le besoin. À ce moment, je pourrais m'arrêter. Comme je peux t'aimer. Isabelle Boulet, une belle artiste, Isabelle Boulet. Alors j'ai eu l'occasion de la rencontrer lors d'un concert. Ben voilà, là vous l'avez dit, Gilou. Lors d'un concert à Nancy ou Zénith. Ouais. Oui, je l'ai rencontrée au concert, mais wow. Elle m'a rien dit. Ah. Elle m'a rien dit. Non, en fait, non, c'est vrai. Non, c'est vrai ce que je dis. Je l'ai rencontré, mais on faisait la queue pour avoir une petite autographe, tu vois, mais l'artiste ne parlait plus. Ah mince. Non, elle ne parlait plus, justement pour garder sa voix, tu sais. C'est un peu, tu sais, un peu comme Céline Dion, par exemple. C'est pareil, quand ils ont fini leur concert, etc., pour préserver leur voix. Ouais. Ils ne parlent plus, donc elle fait un petit geste, un petit coucou comme ça, mais voilà, c'était sympa. Bon. Alors, j'ai un petit message là-bas. Je vais remercier Sylvie Calvé, qui est à l'écoute. Alors, bonjour, voilà, Sylvie, c'est gentil, merci. Bonne émission, bonne écoute. Voilà, maintenant on va découvrir une artiste québécoise aussi, qui s'appelle Manon Grenier. C'est la première fois que je la diffuse dans l'émission. Je voudrais remercier Lynn donc, de m'avoir découvert cette belle artiste. Et Manon Grenier, là, nous chante Chariot. Si tu veux de moi pour t'accompagner au bout des jours, laisse-moi venir près de toi sur le grand chariot de bois et de toi. Nous nous en irons du côté où l'on verra le jour. Ciel, avant la chaleur du soleil, sous la dernière étoile. La plaine n'aura plus de frontières. La terre sera notre domaine. Que j'aime ce vieux chariot qui tangue. Si tu veux de moi à ton côté toujours, l'été sous la lune d'argent, hiver dans la neige du vent, alors dis-le-moi, je pars avec toi. La plaine n'aura plus de frontières. La terre fera notre domaine. Que j'aime ce vieux chariot qui tremble. Si tu veux de moi, de ma vie et de mon fol amour, long des torrents et des bois, au cœur des dangers et des joies. Voilà, Chariot. Alors, Manon Grenier, donc, j'ai découvert cette artiste québécoise. Alors, Manon Grenier a eu le goût de chanter du fait de sa famille. Ça lui vient de sa marraine. Ça lui vient de son papa qui chantait du Elvis Presley. Sa maman qui jouait de la guitare. Donc, voilà, elle a été à bonne école pour faire ce métier-là. Béni. Pardon ? Beignet. Beignet, attends, je suis pas... Pas le beignet qui se mange, Gilles. Oui, beignet dans la beignet, musique. Ah bah oui, beignet, pardon, dans la musique. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, une belle artiste. Voilà, que nous retrouverons peut-être un petit peu plus tard, on va voir, hein, on va gérer sur le temps. Alors, là aussi, une autre belle artiste québécoise, Marcel Alexis. Marcel Alexis, donc, elle est mariée avec Franck-Olivier. Je les avais reçus tous les deux. Ils habitent maintenant en Belgique. Ils étaient venus dans nos studios, spécialement de Belgique. C'est deux beaux artistes, tous les deux très, très pros. Eh bien. Voilà. Marcel est une belle artiste et une belle voix. Et là, elle nous interprète « Sans toi ». vie n'aurait plus d'importance. Sans toi, ce serait le vide autour de moi. Sans toi, je ne serais plus la même femme. Sans toi, ma vie ne serait qu'une illusion. Sans toi, mon cœur ne pourrait plus chanter. Sans toi, je ne pourrais. On a fait une petite halte, tu sais, après On the Road Again, mille après mille, où on, voilà, on est sur la route avec le chariot aussi, etc. Et là, on fait une petite halte avec une chanson un peu plus romantique. Ah bah oui. Mais c'est un titre qui est tiré de son album 100% Country. D'accord. Voilà. Alors maintenant, on va retrouver... On va retrouver un grand artiste, Voisine. Alors ça, c'est Rock Voisine qui ne connaît pas Rock Voisine. Ah bah personne. Hein, bien sûr, c'est le... C'est le chouchou des Québécoises, et puis et aussi, pas que. Et pas que, bien sûr. Et là, Rock Voisine nous interprète ce titre, alors il faut que je me pique. City of New Orleans, on écoute. Riding on the city of New Orleans, Illinois Central. Monday morning rail, 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors and 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, a train pulls out at Kankakee, rolls along past houses, farms and fields. Passing trains that have no names, freight yards full of old black men, and the graveyards of rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Don't you know me? I'm your native son. I am the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. matins se suivent et se ressemblent. Et quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas, toujours s'aimer bien. C'est trop niais, on s'ennuyait. C'est à peine si l'on trouvait les mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On sait aimer comment on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On sait aimer comment on se quitte, tout simplement sans penser à demain. I am the train they call the city of New Orleans, and I'll be gone 500 miles when the day is done. Rock voisine. Tu vois, tu auras reconnu l'IA, la chanson. Après, il chante fait. Une partie en anglais, puis une partie donc, oui. En français. Donc, la chanson c'est une reprise. C'est une reprise de oui. Joe Dassin, Salut les amoureux. Mais en fait, quand on a connu la chanson de Joe Dassin, Salut les amoureux, lui, il l'avait repris d'un autre groupe, d'un autre chanteur dont je ne connais plus le nom. D'accord. Voilà, tu vois, mais là, c'est Rock voisine, c'est bien. Oui. Et ça, c'est tiré de son album Americana 10. Ah oui. Voilà, qu'il a sorti il n'y a pas longtemps. Oui. Tu nous en avais parlé. Oui, j'en avais parlé déjà, ouais. Là, on va retrouver un duo québécois aussi, Sylvie et Yvon Godette. C'est aussi la première fois qu'on les écoute sur nos ondes. Alors, bon, si vous êtes à l'écoute tous les deux, je vous embrasse. Et puis, ben, merci aussi Aline pour le contact. Donc, on écoute, on est fait l'un pour l'autre. On est fait. Godette. Voilà. Alors maintenant, on va entendre une autre artiste, que j'ai aussi le plaisir de recevoir dans nos studios, Caroline Jonf, qui vient de sortir un nouvel album. Et là, on va écouter Bloody Mary. Son petit bloody, tandis que son chum il préfère le rhum. Tous mes amis prennent un bloody avec Mary. Sauf Fred et Sylvain qui prennent un verre de vin. C'est la grosse misère Caroline Jonf, voilà. Alors Caroline, si tu nous écoutes, toutefois je te fais des gros bisous. Alors Caroline, c'est une artiste de talent, elle est adorable, elle est sympa, elle est attachante, elle est pleine d'énergie positive. Alors c'est vrai que sur cette chanson, c'est sympa. Alors je pense que là-bas au Canada, ils ont un peu froid, alors ils boivent un petit coup. C'est l'heure de l'apéro, quoi. C'est l'heure de l'apéro, voilà. Bon, on n'y est pas encore nous, mais bon. Non, on n'y est pas encore. Voilà, on n'y est pas encore. Alors on va écouter aussi une autre grande artiste. Ginette Renault, voilà, qui nous interprète la vie. Chanson du quotidien, c'est un sourire ou une larme. La vie, c'est un oiseau qui monte au ciel, c'est un orage, un arc-en-ciel, des yeux d'enfant qui vous désarment. La vie, c'est la montée de longs chemins, à faire à deux mains dans la main, jusqu'au grand soir où tout s'enflamme. Qui vous revient comme un regret de vieille dame. Ma vie à moi, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie non pas non plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, Ginette Renaud, voilà. Je crois que nous avons quelqu'un au téléphone. Oui. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, Gilles, comment ça va? Bonjour, Caroline. Comment tu vas? Super bien. Super bien. On ça peut parler mieux. Écoute, ça me fait plaisir de t'entendre. Ben, moi aussi. Ouais. Oui, ça fait un an, hein. Eh oui, ça fait un an, oui, c'est, oui, bien sûr, oui. Alors, tu sais, juste avant que tu téléphones, bon, on venait d'écouter une de tes nouvelles chansons, de ton nouvel album. Oui. On a écouté Bloody Mary. Hein? Oh. J'aime bien celle-là. Oh, bah moi, je l'adore, celle-là. Bon, il n'y a pas que celle-là, hein, bien sûr, mais j'aime bien celle-là. je les aime toutes aussi, mais celle-là, en particulier, c'est une chanson qui me rappelle des beaux moments. Ça a été inspiré de ma mère et puis de nos apéros l'hiver dernier en Floride. D'accord, oui, c'est ce que je disais. Là-bas, oui. Il fait froid chez vous hein, quand vous êtes au Canada, donc... On passe nos hivers en Floride, oui. Ah oui, d'accord. Donc, pas trop l'apéro, pas trop souvent quand même. Non, avec modération. Presque tous les soirs. Ah ouais. C'est presque comme en France. D'accord. Ouais. Ça va, alors là, tu es en France, Caroline, là, bien sûr. Oui, là, ouais. Je suis en France, ça fait presque deux semaines. Ouais, d'accord. Et on a pas mal voyagé, là. On est arrivé sur Paris, on est venu en Alsace, en Suisse. Après la Suisse, on est allé sur la région de la Dordogne, à Bergerac. Ouais. Après ça, Bordeaux. Oh là. On est monté jusqu'en Charente-Maritime, et puis là, on est revenu en Alsace. D'accord. Alors, tu as fait un beau petit périple, là, parce que bon... Tu parles de Bordeaux. Alors, à Bordeaux, il y a des bons vins. Oh, oui, on a... En Alsace, il y a des bons vins aussi. Oui. C'est l'heure de l'apéro, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'heure de l'apéro. Alors attention pour la voix quand même, hein, Caroline. Oui. Ça fait chanter juste. Ah oui. D'accord. Et puis donc, ça va, Christophe va bien? Christophe va super bien. Oh ben écoute, c'est cool, c'est bien. Voilà. Ben écoute, je te remercie. Il te salue, il est à côté de moi. Ah bon, bah fais-lui des gros becs, hein, comme on dit, enfin des gros becs, enfin nous on va dire des bisous, hein, ici. Oui, venez, on va faire des beaux becs. Ouais, ça va bien. Ouais. Mmh. Ah bah c'est bien, c'est super. Bon, on était content de présenter cet album-là. On a commencé à présenter l'album, mais l'album est pas. Tu sais que l'album n'est pas encore sorti. Je te l'avais envoyé en primeur. Oui, tu me l'avais. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Oui. L'album sortira officiellement à la fin de janvier probablement. Mais en ce moment, il est possible de se le procurer l'album pareil sur mon site internet, mon nouveau site internet. Oui. Donc, c'est possible de le télécharger numériquement. Bien sûr. Et on peut aussi le recevoir physiquement par la poste au Canada et en France. Oui, en France, d'accord. Ok. Ouais, écoute, alors, tu pourras peut-être donner aux auditeurs mon site internet. Là, c'est pas compliqué. Caroline-jonf.com. Voilà. Eh bien, écoute, le message est passé, Caroline. Ah, ben c'est très bien. C'est très bien. Il faut faire jouer les chansons, il faut que les gens les écoutent et les diffusent, c'est sûr. Ah, ben bien sûr, non, moi j'ai écouté, j'ai bien aimé. Bon, c'est vrai qu'on a toujours, tu sais, des petits coups de cœur hein, sur certaines chansons, forcément. Oui. Ah, bien sûr. En ce moment, c'est en Floride, en ce moment, c'est les petits bains qui est sorti, le premier extrait de l'album. Oui. Mais il va y avoir des titres beaucoup plus sérieux, par contre, qui vont sortir sur l'album. Oui. Et puis, on a deux titres, entre autres, qu'on prévoit à l'international. Et que, donc, qu'on essaie de faire jouer partout, qu'on va peut-être faire aussi en anglais pour les États-Unis. D'accord. On a des beaux et très grands projets. C'est très bien, Caroline. Moi, je suis content. J'ai bien aimé aussi le titre Belle et Rebelle. Hein? Oui, Belle et Rebelle, c'est le titre de l'album, c'est la première chanson sur l'album et c'est la philosophie de l'album. Parce que Gilles, Belle et Rebelle, ça ne sera pas juste un album. Belle et Rebelle, ça va être un concept, un grand concept. Moi, j'ai l'espoir et le rêve d'en faire un grand club où tous les belles rebelles de ce monde pourront se réunir, d'accord. Oui, exactement. Ben moi, je vous accueille à la radio, il n'y a pas de problème. Si je veux toutes les belles rebelles de ce monde, ta radio va être petite. Mais c'est pas grave. Ça, on va aller dans les Vosges, je vois. Ben, j'espère bien. J'ai gardé un bon souvenir de notre rencontre, bien sûr. C'était l'après-midi. Voilà, c'était vraiment sympathique. Oui, c'était sympathique. Et puis, ben, j'espère qu'on se retrouvera quand même. Hein. Ben, écoute, Gilles, en avril, on a. Ben, c'était formidable cette tournée-là parce que, en fait, on a fait le tour de plein de gens que ça faisait très longtemps que j'avais pas... En fait, le Sud-Ouest, par exemple, ça faisait 5 ans que j'étais pas allée en tournée dans le Sud-Ouest. D'accord, j'ai rencontré tous les gens qui me bookaient là-bas. Et puis, ça promet énormément. Le mois d'avril, il va y avoir une grosse tournée en avril qui va être obligée de se prolonger en mai. Alors, tu vois, c'était très positif. Et puis là, ici en Alsace, on est en train aussi de faire, de développer. Donc, on va certainement, c'est sûr qu'on revient en avril-mai, mais on va certainement revenir aussi un petit peu plus. Et puis à ce moment-là, quand on est en Alsace, on n'est pas loin des Vosges. Ah bah, bien sûr. On va aller te voir, c'est sûr. D'accord, et puis moi je prépare l'apéro, d'accord? On fait comme ça, Caroline? J'avais déjà préparé l'apéro, oui, je connais tes apéros, c'est bon. On fait comme ça. Écoute, Caroline, je te remercie pour ce petit coup de fil. Je te remercie de toujours me soutenir, Gilles. Ah ben, écoute, c'est avec ta radio. C'est avec plaisir. De faire jouer des chansons québécoises, parce que j'entends que tu ne fais pas juste jouer mes chansons, tu fais jouer aussi des chansons de mes compatriotes. Et c'est vraiment apprécié. Bien sûr, vraiment, c'est une émission, toi, On the Road Again, avec mon anglais, j'essaye. Et puis là, j'aimerais saluer des gens, parce que là, je sais qu'il y a des gens là qui m'écoutent en ce moment-là. Oui. Il y a mon ami Rudy, là. Mon ami Rudy qui est sur la ligne. C'est lui qui m'a dit que les chansons roulaient au ralenti. Oui, on a un petit problème de streaming, effectivement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui. Alors, mon ami Rudy, juste pour vous dire, c'est lui qui a en partie réalisé l'album. C'est lui qui a enregistré les voix et c'est lui qui a fait le mix. D'accord. Et cet album-là est juste extraordinaire. Alors, pendant qu'il est en ligne, là, je le remercie. D'accord. Alors, lui est Jerry Brebozia. Donc, c'est un album génial, génial. D'accord. Puis je sais qu'il y a d'autres mondes aussi en Floride. Je les salue. OK, Caroline. Donc, je souligne, de toute façon, le podcast. L'émission est enregistrée. Elle sera en podcast. OK. Je la partagerai sur ma page officielle. Donc, voilà, oui, il y aura... Et puis, moi, c'est la mienne. Toi, tu pourras la repartager. Merci, Caroline. Oui. Je te fais des gros bisous, des gros becs, ainsi qu'à Christophe. Oui, bah, il t'entend, là. Il est d'accord. Là, côté de moi, il s'allume bien. OK, et puis, à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci, bye-bye à vous deux. Au revoir. Voilà, c'est sympa. Caroline, elle est formidable. Moi, j'aime bien Caroline, elle est attachante. Alors, voilà, on va écouter maintenant une autre chanson de Jack Jersey. Alors, Jack Jersey, c'est un chanteur de country aussi, country, blues. C'est un chanteur, enfin, il est d'origine hollandaise. Il est d'origine hollandaise. Et il a vendu plus de 20 millions de disques. Et voilà, et donc, il est malheureusement décédé le 26 mai 1997. Alors, on écoute de Jack Jersey. Là, il faut que je m'applique aussi. Pour mon anglais. Ce titre s'appelle Blue Brown Eyed Lady. Brush the tears from your eyes, Maria. Please don't cry. You know how much I really hate to say goodbye. You and I, we had good times together, but I knew it couldn't last long. Blue, brown eyed lady, let's pretend it just long. Yo te quiero mucho, Maria. You're my love. You're the only one I keep on thinking of. We can stay a lifetime together, so it seems. Adios, adios, my love, we'll meet again in peace. Far away from you, Maria, across the sea, where the memories will always be a part of me. You and I, we fell in love so deeply. Was it right or was it wrong? Blue, brown eyed lady, let's pretend it just so long. Yo te quiero mucho, Maria, you're my love. You're the only one I keep on thinking of. We can stay alive and together, so it seems. Adios, adios, my love, we'll meet again. Vous êtes sur le 107 FM Radio Gamozo dans les années bonheur avec Judou et puis Lia. Voilà. Lia, t'aimes bien la chanson country ? Ça va. Ça va, plus, oui. plus l'apéro peut-être. Il fallait que je la fasse. On va dire que ça change. Oui, ça change, hein, c'est vrai. Oui. Ouais. Alors là, on va écouter un chanteur qu'on connaît bien, Joe Dassin. Ah oui. Bien sûr, c'était un grand artiste des années 60, 70 et un petit peu début 80, puisqu'ensuite oui. il est décédé. Alors ça, c'était mon premier coup de cœur musical, Joe Dassin. Ça, c'est vrai que c'était tout gamin, c'était mon... Voilà. Alors là, on écoute l'Amérique. Allez, on écoute l'Amérique. Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique. Je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateaux m'ont chanté sans faux la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez. Si je n'ai dans les yeux que l'Amérique, je reviendrai, je ne sais pas quand, cousu d'or et broté d'argent, ou sans un sou mais plus riche qu'avant. De l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. C'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau ont chanté sans fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Voilà, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai, l'Amérique, Joe Dassin. Alors maintenant, on repart un petit peu sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis, et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à un dimanche. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, à la place du mort, un chien loup peut jeter un regard. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Je viens vers toi, mais pas dans une Rolls blanche. Dans costume un peu élimé aux manches. J'ai le droit de me taire et fumer en gardant mes menottes au poignet sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis, Eddie Mitchell. Alors là, on va faire une petite parenthèse, dirons-nous, avec, on va retrouver Isabelle Boulet. Bien sûr, c'est bientôt la période des fêtes. Hein. Voilà, on a, nous, chez nous, un tout petit peu de neige hein, dans, au-dessus des sapins. Là, dans les hauteurs, dans les hauteurs, hein, voilà. On verra bien, hein, voilà. Alors donc, voilà, j'avais voulu passer cette petite chanson, cette belle chanson d'Isabelle Boulet, donc, qui est extrait de son nouvel album « En attendant Noël ». D'accord. Et là, on écoute « Sentier de neige ». Le sentier de neige courant la vallée où dansent en cortège des sapins gelés et rester bien sage témoin d'un baiser que sur ton visage je t'avais volé. Des flocons de neige couvraient tes cheveux et la lune beige nous rendait heureux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois, la neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige si pur et si doux depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois, la neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige si pur et si doux depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois, la neige en poème fondait sous nos pas. Sentier de neige, c'est beau, hein, Lia. Tout doux. Oui, tout doux. Hein. Oh là là, on je était bien. Je te voyais bien, là, on écoute là. Petit canapé, plaid duveteux, près voilà, de la cheminée. Avec un petit gâteau et puis l'apéro. L'apéro. Et voilà, hop, c'est parti. Merci. Oui, je voyais que tu écoutais. Bien. J'écoute même que tu allais pleurer un petit peu. Ah, non, bah non, là, quand c'était même. Chouette. Ah, c'était beau, hein, on c'est, était bien. C'est beau, hein, c'est, voilà. Alors, il est où là, 16h55. Ah oui. Allez, donc là, on va écouter une chanson de mon ami Pierre Cherby. Avant d'écouter, je vais faire donc un coucou. Si toutefois tu m'entends, Pierre, je te fais un coucou ainsi qu'à Cathy et prends soin de toi. À très bientôt. Alors on écoute Unchained Melody. Auditrice, l'émission se termine tout doucement. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Voilà, quelques petites chansons country comme ça. Alors, la semaine prochaine, je vous retrouve pour la dernière émission de l'année, on va dire. Et oui. Hein, dernière émission de l'année que je consacrerai donc à Salut les copains. Ah. Voilà, Salut les copains, c'est le 60e anniversaire. Donc, on sera là beaucoup dans l'IE. Dans les années 60, voilà. Et puis bien sûr, on se retrouve ensemble, Lia, le vendredi. C'est vrai. Vendredi suivant, hein, le 20, À partir de 10h, c'est ça? Alors là, ça sera... tu nous spoiles là. Ah bon? Cette émission sera diffusée le jour du réveillon de Noël, d'accord, le 24 décembre à midi, pour tous ceux qui ont envie d'être accompagnés pendant leurs préparatifs. Oui, et puis surtout, une grosse pensée à toutes les personnes qui passent ces fêtes seules. Seules, oui, bien sûr. Et du coup, nous, Radio Guémozo, on sera là pour être avec vous et vous faire passer un bon moment. Donc ça se passera le 24 décembre à midi. Le 24 décembre à midi. Donc voilà. Et puis nous, on préparera tout ça. Tous ensemble. Alors, je voulais aussi juste rassurer les auditeurs, les auditrices, tous ceux qui m'écoutent sur le web, bien sûr, il y a le petit problème de podcast, de streaming. Donc, rassurez-vous, le podcast sera mis en ligne et vous pourrez réécouter cette émission. Voilà, et on fait le nécessaire pour rétablir vite les choses, mais... Voilà, bien sûr. Comme on peut. Voilà. Lia, je te remercie. Mais c'est moi. Encore d'être présente avec moi cet après-midi. Voilà. Avec plaisir. Ma foi, bonne soirée à toi. Mais oui. À bientôt. Et puis à tous ceux qui nous ont écoutés. Et à tous ceux qui nous ont écoutés, des gros bisous, des gros becs. Ben oui. Des gros becs. Et puis bon, on va attendre un petit peu pour l'apéro. Ben voilà, c'est ça. Voilà, portez-vous bien. Bye bye à tous. À bientôt. Dans le cœur, une mélodie en accord majeur, un rythme qui sonne, des mots qui résonnent, un refrain que l'on fredonne. C'est la musique qui nous rassemble, qui nous fait chanter.